Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir permis de participer à ces journées. Je vais dire quelques mots sur le cadre dans lequel j'effectue ces recherches. Ces travaux sur les propos de table de Plutarque s'insèrent dans un programme de recherche qu'a initié il y a quelques mois le laboratoire auquel je suis rattaché, le laboratoire PLH Erasme de l'Université de Toulouse. Juste 30 centimes. Donc, au sein du laboratoire PLH Erasme à Toulouse, en partenariat avec le LabEx SMS, structuration des mondes sociaux. Ce programme de recherche se propose d'étudier les dynamiques qui structurent les mondes savants dans l'Empire romain, plus particulièrement au 1er et 2e siècle de notre ère. Et il s'agit d'élucider, à partir de cette enquête sur les milieux lettrés, la notion d'empire gréco-romain. Cette notion qu'a proposée il y a quelques années l'historien Paul Veil, et qu'il définit comme fait de culture grecque et de pouvoir romain. L'objectif de ces recherches est donc de comprendre dans quelle mesure les mondes savants participent de l'émergence, à travers le référent de l'hellénisme et sous l'autorité politique de Rome, d'une véritable koiné culturelle étendue aux dimensions de la Méditerranée. Pour aborder l'impact de ces phénomènes sur le terrain des milieux lettrés, le parcours et l'œuvre de Plutarque, je rappelle ces dates, 46-125 de notre ère, constitue un champ d'investigation privilégié. L'itinéraire de ce savant, grec de naissance et de culture, est intimement lié au destin de Rome. Il s'inscrit dans cet espace mobile et ouvert que forme l'Empire des 1er et 2e siècles. Son activité d'érudit, ses devoirs de notable, les responsabilités dont il assume la charge, l'ont amené à intégrer les cercles les plus proches du pouvoir impérial. Et à ce titre, son parcours s'insère étroitement dans les réseaux lettrés et politiques de tout l'Empire, depuis sa patrie grecque de Chéronée, où il choisit de résider jusqu'à la fin de sa vie, donc depuis Chéronée jusqu'à Rome, en passant par Athènes ou Alexandrie. Mais le plus intéressant dans la perspective d'une histoire des mondes savants, c'est qu'il est possible, à partir du corpus plutarchéen, de se faire une idée de cette intense activité intellectuelle et sociale. Les amis de Plutarque, ses familiers, ses relations, ses connaissances, sont en effet constamment présents dans son œuvre, d'abord sous la forme de dédicaces personnelles, insérées au seuil de nombre de ses traités, ensuite parce que le philosophe, dans plusieurs de ses œuvres, a choisi de mettre en scène des membres de son entourage. C'est le cas de certains dialogues, comme les dialogues pythiques. C'est le cas surtout des propos de table qui nous intéressent ici. Rédigés au début du IIe siècle de notre ère, les propos de table se présentent comme un recueil de souvenirs composés à la demande d'un ami romain, Socius Sénécion, un proche de l'empereur Trajan. Et ce recueil vise à consigner par écrit les discussions savantes tenues par Plutarque et ses relations lors de banquets donnés dans les cités grecques. Les propos de table mettent ainsi en scène le cercle de Plutarque, ce groupe de familiers, de philosophes, d'artistes, de notables et de hauts dignitaires de l'Empire, se réunissant à l'occasion de moments de convivialité, dans une atmosphère intimiste et chaleureuse. L'œuvre apparaît comme un instantané riche et expressif de la vie intellectuelle sous les Flaviens et les Antonins, mais aussi comme un tableau vivant de la nouvelle société impériale qui émerge à cette époque, en particulier entre les mondes grecs et romains. Alors, l'utilisation du modèle des réseaux ne constitue qu'un aspect de mes recherches, qui sont encore pour l'heure dans une phase exploratoire. Ma présentation visera néanmoins à interroger, à partir de l'œuvre de Plutarque, l'intérêt de ces méthodes comme outil d'analyse textuelle, c'est-à-dire comme outil pour explorer la matière d'une œuvre littéraire. Ma présentation s'articulera autour de trois moments. J'analyserai tout d'abord la pertinence des propos de table comme source pour l'analyse des réseaux. Je présenterai ensuite les principaux aspects de la démarche que j'ai choisi de mettre en œuvre. Et je m'efforcerai enfin de mettre en perspective quelques-uns des résultats de l'analyse. Donc pour commencer, quelques éléments de présentation pour donner une idée de la nature et de l'ampleur du corpus. Les propos de table se composent de 9 livres, eux-mêmes divisés en questions, en règle générale 10 questions par livre. Chaque question ou groupe de questions forme le thème d'une discussion tenue lors d'un banquet. L'œuvre évoque ainsi le souvenir d'une soixantaine de banquets donnés dans différentes cités grecques, à l'exception du banquet de bienvenue organisé à Rome lors d'un séjour de Plutarque. Pour une quinzaine d'entre eux, l'absence totale ou l'insuffisance d'éléments de contextualisation ne permettent pas d'établir avec assurance leur localisation. Les différents banquets mettent par ailleurs en scène une petite centaine de personnages. Les recherches prosopographiques ou épigraphiques ont permis d'affiner la connaissance qu'on peut avoir de ces individus en termes de parcours, d'activité ou de statut. Cependant, une dizaine d'entre eux environ sur ces 100 personnages ne reste qu'un nom pour l'historien. Donc le monde de Plutarque, dans les propos de table, forme pour ainsi dire un petit monde, un microcosme, dont le fonctionnement peut cependant éclairer les dynamiques du macrocosme de l'Empire. Dernier point, la nature des données transmises par cette source. Les propos de Tal ne sont pas un recueil de données empiriques, mais une œuvre littéraire. Il s'inscrit dans une longue tradition, celle du banquet philosophique, qui a été cultivée dès le IVe siècle avant notre ère par Platon ou Xénophon, et reprise après Plutarque par des auteurs comme Lucien ou Athénée. Par ailleurs, si l'évocation de ces réunions placées sous le signe de la mise en commun, en grec, koinonia, mise en commun des savoirs et des plaisirs, si l'évocation de ces réunions s'appuie sur une part difficile à évaluer sur les souvenirs de l'auteur, on sait que plus tard, conserver des notes de ces conversations, de ces entretiens ou de ces lectures, l'évocation donc de ces banquets n'exclut aucunement le recours aux stratégies et aux procédés de la fiction. Puisant dans l'imagination livresque et encyclopédique du philosophe, les propos de Tal forment une véritable polyphonie savante, où la distribution des rôles et de la parole, l'agencement des questions et des réponses, la circulation des savoirs et des traditions sont réglés par une habile scénographie. Par conséquent, ce ne sont pas à proprement parler les cercles de sociabilité de Plutarque que le modèle des réseaux va permettre d'appréhender, mais leur inscription dans la matière textuelle des propos de Tal. Et dès lors, l'analyse des réseaux devient un outil pour naviguer, circuler à l'intérieur d'une œuvre littéraire et un moyen d'en explorer les structures. J'en viens ici au deuxième point de ma présentation, qui concerne la démarche. Abordés sous l'angle des lieux, des hôtes, des participants qu'ils mettent en relation, les propos de table permettent de reconstituer, selon le critère retenu, plusieurs réseaux qu'on pourrait qualifier de convivialité. Je maintiendrai à cette présentation à deux types de réseaux parmi d'autres possibles. Le premier est celui des invitations, présenté sous la forme d'un graphe orienté. C'est le premier graphe, Il répond à la question « qui invite qui ?» dans les propos de table. Les nœuds représentent les personnages, les arcs, la direction de l'invitation. La valeur associée à chaque flèche correspond au nombre d'invitations cumulées sur l'ensemble de l'œuvre. J'ai par ailleurs choisi de m'intéresser aux différents groupes qui composent le monde de Plutarque, et j'ai ainsi identifié, à partir du critère de l'activité ou du statut, 8 groupes de personnages. Par exemple, les philosophes, les médecins, les magistrats. Et je passe ensuite à l'agrégation des données. Le personnage en blanc, Plutarque. Ici, la surface des nœuds est proportionnelle au nombre de personnages par groupe. La valeur des arcs correspond à la somme des invitations cumulées entre les différents groupes. Dans un souci de lisibilité, j'ai exclu les boucles, c'est-à-dire les invitations qui se font au sein d'un même groupe. C'est pourtant le cas le plus fréquent et ça reste très significatif. Mais bon, là, je m'intéressais davantage aux relations entre les différents groupes. Et j'ai également isolé le personnage de Plutarque de façon à faire apparaître les relations qu'il a avec les différents groupes. Le second réseau que je vous présente est celui qu'on pourrait appeler le réseau de coprésence aux différents banquets. Ce graphe est généré à partir d'une matrice acteur-événement. Au centre du graphe, donc, les banquets, désignés par leur place dans l'ouvrage. Autour, les personnages. Un personnage est relié à un banquet lorsqu'il y prend part. On transforme ensuite ce réseau bipartite en un réseau unipartite. Deux personnages sont maintenant reliés lorsqu'ils participent à un même banquet. Et la valeur du lien est fonction du nombre de coprésences enregistrées sur l'ensemble des livres des propos de table. Le dernier graphe permet une agrégation des données, selon une même logique pour le graphe des invitations. Cependant, le critère ici retenu n'est plus celui de l'appartenance à un groupe donné, mais celui de l'origine géographique. Ce type de réseau, au fond, permet de répondre à la question « qui fréquente qui dans les propos de table ?» Je vais maintenant tâcher, pour terminer, de mettre en perspective quelques-uns des résultats obtenus par le biais de cette démarche. L'intérêt des réseaux et des graphes que j'ai présentés est d'offrir une vision globale des dynamiques qui structurent l'univers plutarchéen des banquets savants, tel qu'il est décrit dans les propos de table. Il permet d'explorer en termes de répartition ou de relations les cercles de sociabilité qui composent le monde de Plutarque, dans la trame narrative et la matière textuelle de l'œuvre. Sur le dernier graphe, par exemple, on peut visualiser les logiques spatiales que dessine l'activité intellectuelle et sociale des personnages mis en scène dans les propos de Tal. Si l'on s'intéresse au cas de Plutarque, qui est le personnage principal et le narrateur de cette œuvre, on peut remarquer notamment les liens forts qui l'unissent au cercle de Kéroné, donc c'est le cercle des proches et des disciples. ainsi qu'au cercle d'Athènes, qui est un cercle plus intellectuel, plus savant. On constate également les relations de convivialité qu'il entretient dans les propos de table avec les cités de Grèce centrale ou avec Rome, et dans une moindre mesure avec Delphes et les cités d'Asie mineure. D'autres liens me paraissent significatifs, ceux par exemple qui relient le groupe de Chéronée en bleu foncé, au groupe athénien en jaune. Cela signifie donc que les proches de Plutarque sont intégrés dans ses propres réseaux de sociabilité. Pour affiner cette première approche, il faudrait s'intéresser au cas particulier de certains individus stratégiques d'un certain groupe, pour voir quels sont les personnages autour desquels se nouent ces relations de convivialité. Dernière remarque, enfin, le monde plutarchéen des banquets savants constitue sur le plan géographique un monde à la fois ouvert sur les différentes régions de l'Empire et très localisé, enraciné dans le monde des cités grecques. Rome, le centre du pouvoir politique, ne semble pas bénéficier d'une position privilégiée dans cette configuration. Elle est comme intégrée, au même titre que d'autres cités ou régions, dans les réseaux culturels de l'hellénisme. Une hypothèse que tend à confirmer, du reste, l'analyse du texte de Plutarque. Dans les propos de table, les personnages romains n'interviennent pas en tant que romains ou représentants du pouvoir impérial, mais comme membres d'une élite lettrée, gréco-romaine, pourrait-on dire, fortement imprégnée des traditions et des pratiques culturelles helléniques. De la même façon, les réalités de l'Empire et de la domination romaine sont quasiment absentes du discours élaboré par Plutarque. L'univers des propos de table est un univers entièrement grec, façonné par les modèles, les codes et les références helléniques. Ces dernières observations m'amènent à la conclusion de cette présentation. Si les réseaux et les graphes que j'ai mis au point offrent une image globale des cercles de sociabilité plutarchéens, telle qu'elle est projetée dans les propos de table, leur interprétation appelle un travail constant de mise en perspective des données, à la fois dans le contexte de l'œuvre plutarchéen et dans l'environnement de l'Empire romain, environnement historique. Cette démarche, au fond, ne prend sens que dans un va-et-vient permanent entre les essais de formalisation que j'ai présentés et une analyse plus qualitative des stratégies narratives mobilisées par Plutarque ou les questionnements historiques liés à la période ou au contexte. Elle invite cependant, pour comprendre comment fonctionne de l'intérieur l'œuvre de Plutarque, à développer une approche relationnelle du texte, centrée sur les interactions entre les personnages, les groupes, les lieux, susceptibles de mettre en lumière quelques-unes des facettes de la sociabilité savante dans le monde gréco-romain. Elle pose aussi la question, enfin, de l'écart entre les réseaux effectifs ou réels et leur représentation dans les propos de table, dans le champ du discours donc. Pour reconstituer les liens personnels que tisse l'activité des mondes savants dans l'Empire romain, l'historien ne dispose pas en effet d'enquêtes de terrain ou d'archives. Il n'a affaire la plupart du temps qu'à différents types de discours. Alors ce peut être des témoignages autobiographiques, des recueils de biographies, des correspondances éventuellement, des textes épigraphiques. Donc, pour l'historien de l'Antiquité, il s'agit moins d'évaluer la qualité de l'information transmise par les sources et d'en extraire des données relationnelles fiables que d'interroger, à la lumière du contexte ou de la période étudiée, la façon dont les liens personnels se déploient, se configurent, se façonnent dans le champ même du discours. Je vous remercie.